Chapitre 3. Un soir, qu'on attendait Adeline, la famille était réunie dans le bureau dont on venait de fermer les volets après le départ des ouvriers et des employés. Dans son fauteuil, la maman achevait la lecture de l'officiel. Berthe tournait les pages d'un livre à images. Devant un pupitre, Léonie achevait ses devoirs. Et en face d'elle, Madame Adeline couvrait de chiffres un cahier formé de lettres de faire-part qui, cousues ensemble, servaient de brouillon et économisaient une main de papier écolier. La cour, si bruyante dans la journée, était silencieuse. Au dehors, on n'entendait que les rafales d'un grand vent de novembre, et dans le bureau, que le poêle qui ronflait, le gaz qui chantait, et la plume de Madame Adeline courant sur le papier. De temps en temps, elle s'interrompait pour consulter un carnet ou un registre, puis le frôlement de sa main, descendant le long des colonnes de ses additions, recommençait. C'était hâtivement qu'elle faisait son travail, et le geste avec lequel elle tirait ses barres trahissait une main agitée. « Est-ce que vous avez une erreur de caisse, ma Bru ?» demanda la maman. « Non, non. » La maman, relevant ses lunettes, la regarda longuement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Mais rien. » Autrefois, la maman ne se serait pas contentée de cette réponse, car évidemment, puisqu'il n'y avait pas d'erreur de caisse, quelque chose préoccupait sa Bru. Mais depuis qu'elle s'était fait rembourser sa part de propriété dans la maison de commerce, elle n'avait plus la même liberté de parole. Ce remboursement ne s'était pas fait sans résistance, sinon chez Adeline soumis à la volonté de sa mère, au moins chez Madame Adeline. Qu'une mère avec deux enfants donnât la moitié de sa fortune à l'un de ses fils, il n'y avait rien à dire. Mais qu'elle voulût la donner entière en dépouillant ainsi l'un pour l'autre, ce n'était pas juste. Et la Bru s'était expliquée là-dessus avec la belle-mère nettement. De ce jour, les relations entre elles avaient changé de caractère. Quand la maman possédait la moitié de la maison de commerce, elle était une associée et on lui devait les comptes qu'on rend à un associé. Sa part remboursée, les inventaires ne lui avaient plus été communiqués. Les comptes ne lui avaient plus été rendus. Qu'eût-elle pu demander? Elle n'était plus rien dans cette maison. À la vérité, son fils semblait s'entretenir aussi librement avec elle qu'autrefois. Mais le fils et la Bru faisaient d'eux. D'ailleurs, c'était sur certains sujets seulement que cette liberté se montrait. Sur la marche des affaires, ils étaient avec elle aussi réservés l'un que l'autre. Quand elle insistait près de Constant, il répondait invariablement que les choses allaient aussi bien qu'elles pouvaient aller, mais l'embarras et même la réticence se laissaient voir dans ses réponses. Et alors, avec inquiétude, avec remords, elle se demandait si, en enlevant 1 200 000 francs à son fils, elle ne l'avait pas mis dans une situation critique. Les affaires allaient si mal, on parlait si souvent de faillite. Les acheteurs qu'elle était habituée à voir autrefois venaient maintenant si rarement à Elbeuf. Si encore elle avait pu rejeter sur sa Bru la responsabilité de cette situation, c'eût été un soulagement pour elle. Mais malgré l'envie qu'elle en avait, cela ne semblait pas possible. Jamais, il fallait bien le reconnaître, la fabrique n'avait été dirigée avec plus d'intelligence et plus d'ordre. La surveillance était de tous les instants, du haut jusqu'en bas, aussi bien pour les grandes que pour les petites choses. Et dans tous les services on trouvait de ces économies ingénieuses que seules les femmes savent appliquer sans rien désorganiser et sans soulever de plainte. Elle n'avait pas pu insister et il avait fallu que, se contentant de ce rien, elle reprît la lecture de son journal. Cependant, il était certain qu'il se passait quelque chose de grave. Jamais elle n'avait vu sa Bru aussi nerveuse et cela était caractéristique chez une femme calme d'ordinaire qui mieux que personne savait se posséder et ne dire comme ne laisser paraître que ce qu'elle voulait bien. Cependant, si absorbée qu'elle voulut être dans sa lecture, elle ne pouvait pas ne pas entendre les coups de plume qui rayaient le papier. À un certain moment, n'y tenant plus, elle risqua encore une question. « Est-ce que vous craignez quelque nouvelle faillite ?»« Messieurs Bouteiller et frères ont suspendu leur paiement. » Madame Adeline reprit ses comptes en femme qui voudrait n'être pas interrompue. Mais l'angoisse de la maman l'emporta. « Vous êtes engagée avec eux pour une grosse somme ?»« Assez grosse. »« Et elle vous manque pour votre échéance ?»« Constant doit m'apporter les fonds. » Le soulagement qu'éprouva la maman l'empêcha de remarquer le ton de cette réponse. Quand son fils devait faire une chose, il la faisait. On pouvait être tranquille. La suspension de paiement des frères Bouteiller suffisait, et au-delà pour expliquer l'état nerveux de Madame Adeline. Ils étaient parmi les meilleurs clients de la maison, les plus anciens, les plus fidèles, et leur disparition se traduirait par une diminution de ventes importante. Sans doute cela était fâcheux, mais non irrémédiable. Elle avait foi dans la maison de son fils, au même point que dans la fortune d'Elbeuf, et n'admettait pas que la crise qu'on traversait ne dût bientôt prendre fin. Les beaux jours qu'elle avait vus reviendraient, il n'y avait qu'à attendre. Elle demandait à Dieu de vivre jusque-là. Si après avoir sauvé l'honneur des Adeline, elle pouvait voir la solidité de leur maison assurée, elle serait contente et mourrait en paix. Depuis 65 ans, elle n'avait pas manqué une seule fois, excepté pendant ses couches, la messe de 7 heures à Saint-Étienne, où, par sa piété, elle avait fait l'édification de plusieurs générations de dévotes, mais jamais on ne l'avait vue prier avec autant de ferveur que depuis que les affaires de son fils lui semblaient en danger. Bien qu'elle ne quittât pas son fauteuil roulant et ne pût pas se prosterner à genoux, au mouvement de ses lèvres et à l'exaltation de son regard, on sentait l'ardeur de sa prière. Ses yeux ne quittaient pas la verrière, où Saint-Roch, patron des quarts d'heure, tisse avec des ouvriers, du drap sur un métier des vieux temps, et c'était lui qu'elle implorait particulièrement pour son fils comme pour son pays natal. La plume de Madame Adeline continuait à courir sur son brouillon, quand dans la cour on entendit un bruit de pas. Qui pouvait venir? Il semblait qu'il y eût 2 personnes. Les pas s'arrêtèrent à la porte du bureau, où discrètement on frappa quelques coups. « Ma tante, faut-il ouvrir ?» demanda Léonie, se levant avec l'empressement d'un enfant qui saisit toutes les occasions d'interrompre un travail ennuyeux. « Mais sans doute, » répondit Madame Adeline, bien qu'un peu surprise qu'à cette heure, on frappa à cette porte et non à celle de l'appartement. Les verrous furent promptement tirés et la porte s'ouvrit. « Ah, c'est M. Eck et M. Michel, » dit Léonie. C'était en effet le chef de la maison Eck et Debs, le père Eck, comme on l'appelait à Elbeuf, accompagné d'un de ses neveux. « Bonjour, mademoiselle, » dit le père Eck avec son plus pur accent alsacien, en entrant dans le bureau suivi de son neveu. L'oncle était un homme de 60 ans environ, rond de corps et rond de manière, court de jambes et court de bras, à la physionomie ouverte, gaie et fine, dont les cheveux frisés, le nez busqué et le teint mat trahissaient tout de suite l'origine sémitique. Le neveu, au contraire, était un beau jeune homme élancé, avec des yeux de velours et des dents blanches, qui avaient l'éclat de la nacre entre des lèvres sanguines et une barbe noire frisée. « Bonjour, mesdames Madeline, » continua M. Eck. « Bonjour, mademoiselle Perthe. » Ce dernier bonjour fut accompagné d'une révérence. « Comment ? » continua-t-il. « Monsieur Adeline n'est pas là ? Je croyais qu'il te fait revenir de bonne heure. Et en voyant la lumière au bureau, j'ai cru que c'était lui qui travaillait. Voilà comment j'ai frappé à cette porte. Excusez-moi, mesdames. » Ce fut une affaire de leur trouver des sièges, car le bureau était meublé avec une simplicité véritablement antique. Une table en bois noir, 2 pupitres, des rayons en sapin régnant tout autour de la pièce pour les registres et la collection des échantillons de toutes les étoffes fabriquées par la maison depuis près de 100 ans, 4 chaises en paille, et c'était tout. Pendant 200 ans, cela avait suffi à plus de 300 millions d'affaires. C'était après la guerre que les Eck et Debs, établis jusque-là en Alsace, avaient quitté leur pays pour venir créer à Elbeuf une grande manufacture de drap lisse et la sticotine, façonnée noir et couleur, comme disaient leurs entêtes, où s'accomplissaient, sans le secours d'aucun intermédiaire, toutes les opérations par lesquelles passe la laine brute pour être transformée en drap prêt à être livré à l'acheteur, et tout de suite ils étaient entrés en relation avec Constant Adeline, que son caractère, autant que sa position, mettait au-dessus de l'envie et de la jalousie, et auprès de qui ils avaient trouvé un accueil plus libéral qu'auprès de beaucoup d'autres fabricants. Sans arriver à l'amitié, ces relations s'étaient continuées, s'étendant même aux familles. À la vérité, Madame Adeline mère n'avait point vu Madame Eck mère, une vieille femme de 80 ans, aussi fervente dans la religion juive qu'elle pouvait l'être dans la sienne. Mais Madame Eck et Debs faisaient à Madame Constant Adeline des visites que celle-ci leur rendait, et les enfants, les 2 frères Eck et les 3 frères Debs, avaient plus d'une fois dansé avec Berthe. Les politesses échangées, le père Eck prit son air bonhomme et regardant le cahier sur lequel Madame Adeline faisait ses chiffres. « Toujours à l'ouvrage, Madame Adeline, » dit-il. « Je foutrais bien avoir une employée comme vous, et au même bruit. » Et il partit d'un formidable éclat de rire, car il était toujours le premier à sonner la fanfare pour ses plaisanteries, sans s'inquiéter de savoir s'il n'était pas quelquefois le seul à les trouver drôles. Mais ses éclats de rire se calmaient comme il partait, c'est-à-dire instantanément. Il prit une figure grave, presque désolée. « À propos, Madame Adeline, Avez-vous des nouvelles de messieurs Bouteiller et frères ? Demanda-t-il. Vous savez qu'ils suspendent leur paiement ? C'est ce qu'on m'a écrit. Est-ce que vous étiez engagé à fait que ? Malheureusement, et vous ? Nous ? Oh non. Ils auraient bien voulu, mais nous n'avons pas voulu, nous. Depuis 3 ans, ils ne m'inspiraient plus confiance. C'était Deschamps qui menait trop de trains. Appartement aux Champs-Élysées, château aux environs de Barry, villa à Trouville, séjour à Cannes pendant l'hiver, cela ne pouvait pas durer. Il y eut un silence. Le père Eck paraissait assez gêné, et Madame Adeline l'était aussi jusqu'à un certain point, se demandant ce que pouvait signifier cette visite insolite. Elle voulut lui venir en aide. « Est-ce que vous êtes satisfait de vos nouveaux procédés de teinture ? » demanda-t-elle en portant la conversation sur un sujet de leur métier qui pouvait fournir une inépuisable matière et que d'ailleurs elle était bien aise de tirer au clair. « Oh, très satisfait !»« Et cela vous revient vraiment moins cher que chez messieurs Blais ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, puis il la referma. Et ce fut seulement après quelques secondes de réflexion qu'il se décida. « Matin, Mateline, matin, Mateline, je ne peux pas foutir. L'inventaire n'a pas été fait. » Cela fut répondu avec une bonhomie si parfaite qu'on aurait pu croire à sa sincérité. Mais il la compromit malheureusement en se hâtant de changer de sujet. « Quand vous foutrez venir à la maison, j'aurai le plaisir de vous montrer ça. » Mais ce que je foutrais bien vous montrer, c'est nos nouveaux métiers fixes à filer. C'est vraiment une belle invention. Seulement depuis 1 an que nous les avons installés, tous les fils cassaient. Nous allions faire pour 50 000 francs de verraille quand mon petit Michel a trouvé un perfectionnement aussi simple que parfait. Il faut voir ça. Je lui ai fait prendre un brevet. Il a vraiment le génie de la mécanique, ce garçon-là. « Est-ce que M. Michel va directement exploiter son brevet ?»« Il le faudra. Tous les Heck, tous les Debs restent ensemble, toujours. »« Ce qu'on appelle à Elbeuf les cocodès, » dit Michel en riant et en répétant une plaisanterie qui était spirituelle à Elbeuf. Il y eut encore un silence, puis M. Heck, se levant, vint auprès de Mme Adeline. « Est-ce que je pourrais foutir un mot en particulier ?» Passant la première, Mme Adeline le conduisit dans le salon. «